Elle est à vous, cette voiture, madame? Non, monsieur l'agent, mais... Vous ne voyez pas ce panneau? Stationnement interdit? Ce n'est pas de notre faute. C'est de ma faute, alors. Si vous ne partez pas immédiatement, je vous dresse une contravention. C'est le règlement. Mon ami, monsieur le voisin, est en train de réparer quelque chose sous le capot. Monsieur le voisin? Mais je le connais. On m'appelle? Mon Dieu, Alphonse. Jules, ça fait des années qu'on ne s'est vu. Alphonse, c'est un vieil ami à moi. Enchanté, monsieur. Madame, Figure-toi que Mono bout dans mon radiateur. va chercher de l'eau dans ce café et puis, quand tu auras fait le plein d'eau, va garer ta voiture dans cette petite rue à droite. C'est plus prudent. Les agents de police sont méchants dans ce quartier. Ça ne m'étonne pas. Et puis, on ira prendre un verre tous ensemble. Il est 6 heures. Je ne suis plus de service. Il faut fêter ça. D'accord. Rendez-vous au café dans 5 minutes.